Bienvenue. Bienvenue sur Radio Panique. Il est 19h et tous les lundis, nous avons rendez-vous avec Journal Sans Papier. C'est ainsi que nous allons aujourd'hui procéder à une émission particulière puisque l'UDEP nous a fait défaut. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin dans le sommaire de notre émission, vous rappeler que Journal Sans Papier est rediffusé sur Radio Campus 107.2 FM tous les lundis de 14h30 à 15h30 et que Radio Panique fait son direct le lundi à 19h et rediffuse l'émission le vendredi matin de 9 à 10 sur le 105.4 FM. Avec aussi la possibilité de nous écouter en stream depuis toutes les régions du monde, puisque désormais, écoutez sur Radio Panique, il y a la possibilité de se mettre en stream. Alors, on verra plus tard un peu les arrangements de notre émission. Patrick, Benoît, Johanna et Vincent sont avec nous. On a tous mis notre stream. Oui, et en fait, aujourd'hui, on devait recevoir des gens de l'UDEP. Et on devait faire une émission avec eux dans la perspective des élections. Mais ça n'a pas été possible parce que l'UDEP Bruxelles est en ce moment en réunion. Malheureusement, on a nos horaires en même temps et ils avaient une réunion importante, donc ils n'ont pas pu venir cette fois. Et ce sont des militants sérieux qui préfèrent faire leur réunion plutôt que d'aller sur les médias. On ne peut que les féliciter. Mais ce n'est que partie remise, évidemment. Alors aujourd'hui, on va faire une émission comme ça, un peu avec des sons, des infos qu'on n'avait pas pu vous passer dans les dernières émissions, parce qu'on a toujours beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Et on va commencer par un son qui a été pris lors d'un débat qui suivait, ou qui était en parallèle, enfin un jour de relâche des représentations de la traversée de la mort, la pièce La traversée de la mort qui a été représentée sous un chapiteau. Place de la Monnaie. Et alors, ce soir, des Martyrs. Ah, Place des Martyrs, oui. Place des Martyrs. Et c'est là qu'il y avait donc cette pièce. Et alors ce soir-là, ils ont fait relâche et ils ont fait un débat. Et donc on avait pris du son et Tamara va nous présenter un peu. C'est ce choix, parce que le débat a duré quasiment 2 heures. Il y avait nombre d'élus politiques des partis qui sont favorables à une procédure de régularisation ou ponctuelle ou inscrite dans la loi, favorable surtout pour éviter une décision arbitraire et une concentration de pouvoir dans le chef du ministre de l'Intérieur. Mais tout ça pour dire que La traversée de la mort, c'est donc un spectacle qui a amorcé en fait ce débat, et ils ont, la compagnie Les Nouveaux Disparus, s'est associée l'aide précieuse de la Ligue des Droits de l'Homme. Et avec cette association de défense et de promotion des droits de l'homme, ils ont réalisé plusieurs débats, et notamment celui-ci qui a eu lieu le 7 mai dernier. Et Jamal Yousfi, qui est en fait le metteur en scène, un peu le porteur de la compagnie des Nouveaux Disparus, a accouché de cette pièce grâce notamment à son équipe féminine. Et surtout, cette pièce se conclut par un épilogue qu'il nous lira dans le reportage que j'ai ici sélectionné de ces 2 heures de débat. Et donc, ça commence avec une présentation de la compagnie et des raisons qui ont poussé à la réalisation de ce spectacle, en tournée aujourd'hui en Wallonie. Et là, donc, on écoute Jamal Yousfi, qui nous donc rend compte de son intérêt pour la question. Et alors on a des petits problèmes techniques, Radio Panique depuis une semaine en fait. Vous serez évidemment aperçu que la semaine dernière on n'a pas pu faire l'émission pour un problème de table de mixage. Heureusement on a Albert qui s'en est occupé. Mais alors évidemment il y a toujours des fois des petits retours comme ça. Disons que le matériel tient jusqu'à présent, mais il faut qu'on le pousse un peu, il faut qu'on le persuade. Donc là on est en train d'essayer de le persuader. Et donc on va écouter ce reportage sous peu. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire on peut parler peut-être de ce qui s'est passé cette semaine un peu? Oui, tout à fait, oui. Comme toutes les semaines, les nouvelles sont extrêmement, extrêmement bonnes et réjouissantes. Alors, il y a notamment eu une affaire particulièrement scabreuse qui a trouvé un début de dénouement tragique ce matin. Enfin, l'affaire commence le 11 mai. Puisqu'il y a une rafle qui a eu lieu à Saint-Gilles dans différents cafés. Et 30 Brésiliens en situation illégale ont été arrêtés et expulsés. Alors il y avait un cas particulier qui était Madame Cavalcanti, qui était en Belgique avec son fils de 6 ans depuis 2 ans et qui n'avait pas fait de demande d'asile, enfin qui est en Belgique depuis 2 ans et qui a été d'abord enfermé au centre 127 à Melsbrook, seul. Mais donc elle avait cet enfant de 6 ans, donc dans un excès de zèle administro-policier, il fallait effectivement immédiatement récupérer cet enfant pour pouvoir l'expulser avec sa mère. Et pour ça, il fallait d'abord le retrouver. Alors on a commencé par faire des pressions sur la mère, en allant jusqu'à lui faire passer un fax disant que son fils était en danger de mort, battu par celui qu'il gardait, extrêmement malade, que la protection de la jeunesse avait été alertée, qu'il devait être hospitalisé d'urgence, etc. Et pour essayer de la convaincre de dire où était son fils. Ensuite, le père s'est rendu à l'école pour essayer de récupérer son fils, mais la directrice s'y est opposée. Comme le père est sans papier, il n'a pas osé inciter non plus. La directrice de l'école a fait la résistance dans un premier temps. Il semble qu'il y ait eu différentes formes de chantage. Et puis elle a craqué, et puis elle a laissé le gamin à la police. Quant à son oncle, il a été arrêté sur son lieu de travail, resté une nuit au commissariat pour aller chercher le gamin à l'école avec la police. Et tous deux, donc le fils a donc rejoint sa mère au 127 à Melsbrook. Les deux ont été expulsés ce matin vers le Brésil avec une escale à Amsterdam. Il y avait 5 personnes qui étaient à 5 heures du matin à l'aéroport pour essayer de convaincre les passagers de s'opposer à l'embarquement dans ces conditions-là. Dans le communiqué de la CRER qui résume cette affaire, ils insistent particulièrement sur le fait que donc l'enfermement de cet enfant en centre fermé et tombe sous le coup finalement de la condamnation dont on a parlé par la Cour européenne des droits de l'homme sur l'enfermement des enfants en centre fermé. Les recours qui ont été proposés, qui ont été déposés par l'avocat ont été refusés par le Conseil d'État, invoquant le fait que c'est la mère qui avait provoqué le préjudice de son fils, ce qui, selon la CRER et les avocats, est aussi une violation flagrante des droits de l'enfant. Cite l'article 2, l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant. Et voilà, donc le petit et sa mère ont été expulsés ce matin à l'aurore. Et ça, ce qui veut dire que bon, ça ne peut que continuer, ça ne peut que continuer à être de plus en plus horrible. Alors on essaiera dans les semaines qui viennent peut-être de tirer cette histoire un peu plus au clair pour savoir quel type de pression a été effectuée, notamment sur la directrice de l'école, qui s'était opposé à livrer l'enfant à la police dans un premier temps. Et la dame a promis qu'elle essaierait de joindre la CRER du Brésil pour notamment leur donner l'information de savoir combien de Brésiliens ont été expulsés par ce vol, parce qu'apparemment ça fait suite déjà à une première expulsion de 30 personnes d'origine brésilienne qui avait eu lieu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais pas. Et apparemment, il y aurait comme ça une politique systématique visant des sans-papiers brésiliens en ce moment. Voilà, ça fait partie des infos qu'on a eues cette semaine. Aussi une information qui faisait état d'un mort dont on ne sait pas si c'est causé par un suicide au centre ouvert de Florennes. Ça s'est passé cette semaine. On n'a pas plus d'éclaircissement, mais on peut déjà rappeler que le centre de Florennes a une situation un peu particulière. C'est un centre qui est au milieu de rien en termes d'infrastructure. Il est vraiment très isolé. Et on a observé dans ce centre plusieurs cas de dépression, de détresse psychologique qui ne sont pas du tout suivis, puisqu'il n'y a pas du tout d'accompagnement psychologique prévu dans le personnel. et que tout ça s'inscrit quand même dans une politique de durcissement des conditions de détention, d'accueil, disons, dans les centres ouverts, puisqu'on sait que la nouvelle directrice du centre ouvert, par exemple, du Petit Château, a adopté un règlement extrêmement strict, et que, par ailleurs, on cherche à fermer plusieurs centres ouverts en Belgique, en s'appuyant sur le rapport du ministère de l'Intérieur, je pense, qui fait état d'une diminution du nombre de demandeurs d'asile, qui n'est pas très étonnante, hein, puisqu'elle elle fait suite au durcissement de la politique et au nombre de refus. Disons qu'il y a peut-être beaucoup plus une augmentation du nombre de clandestins qu'une diminution du nombre de demandeurs d'asile. Enfin, on prend argument de cette diminution pour fermer des centres ouverts. Et en tout cas, on fait rien pour que les conditions de vie dans ces centres ouverts s'améliorent. Et voilà, enfin, on a là un exemple des conséquences de cette politique. C'était les informations qu'on a pu avoir cette semaine. Je ne sais pas si on va pouvoir écouter un son. Non, le matériel technique a l'air tout aussi déprimé que nous par cette suite de nouvelles particulièrement réjouissantes, je dois dire. Oui, oui. Déjà au niveau des expulsions qui ont lieu, c'est que aussi que la CRER, bon, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais la CRER, le VAC et certains autres collectifs ou groupes de personnes essayent de résister aux expulsions en venant aux aéroports pour essayer de convaincre les passagers de ne pas accepter de prendre le vol, de monter sur l'avion, ou en tout cas de laisser que l'avion décolle, pour cause d'avoir un passager qui est expulsé. Donc souvent, il y a l'avenue des personnes, de militants dans les aéroports pour essayer d'empêcher ça. Bon, là, encore une fois, il y en avait une ce matin, mais ce n'est pas toujours gagné d'avance. Mais en tout cas, il y a des numéros d'urgence au cas où vous assistez ou vous êtes en danger d'être emmené par la police en tant que sans-papier ou en tant qu'ami de sans-papier. Il y a le numéro de la CRER qui est plutôt pour la Wallonie et Bruxelles. C'est le numéro 0473-62-87-33 et le numéro du VAC pour la Flandre, qui est le 0477-40-62-19. Donc souvent, par exemple, s'il y a la police, les conseils qu'on donne souvent, c'est que quand la police arrive et sonne à la maison pour que vous sortiez, dans le cas où vous êtes sans papier ou habitant avec un sans papier, eh bien, il ne faut surtout pas ouvrir la porte et appeler ces numéros d'urgence pour que ces personnes-là puissent venir montrer, faire appel aux médias, mais aussi montrer leur résistance par rapport à ça et aussi pour savoir où vont les personnes et dans quelles conditions est-ce qu'elles sont en train d'être expulsées, comment poursuivre les cas. Donc voilà pour l'information. Maintenant, on fait quoi? On passe à l'agenda? Non, alors par contre, il y a une bonne nouvelle, mais qui ne va pas durer très longtemps. C'est quelqu'un qui n'est pas très connu en Belgique, qui a été, pour une fois, la police de l'air des frontières a fait son travail, puisqu'elle a arrêté un certain Charles Debache. Charles Debache, qui est l'ancien doyen de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, qui a plus ou moins de rang de ministre au Togo, qui a écrit la constitution de Togo, qui a trafiqué la constitution du Togo pour que le fils puisse hériter du père, et qui fait partie des gens qui mettent plus ou moins en coupe réglée ce pays, après l'avoir fait dans d'autres pays, beaucoup de constitutions africaines. C'est aussi un des grands constitutionnalistes de la Tunisie, et quelqu'un qui, dans un livre qui s'appelait La République tunisienne, publié dans les années 60, faisait l'apologie du régime tunisien, de Bourguiba, qui est finalement pas très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui avec Ben Ali. Il était faut savoir que Bourguiba avait fait ses études en France et que la caste des juristes français a beaucoup œuvré avec les chefs d'État du néocolonialisme qu'ils ont mis en place. Alors Charles Debache, par ailleurs, aime la peinture. Il aime la peinture et donc il l'avait fait pour le peintre Vasarely, qui est un peintre assez horrible, on peut le dire, mais enfin, bon, il y en a qui aiment. Hein. Non, oui, c'est efficace. Ah, oui. En termes de torture psychologique, c'est pas ça. C'est un peintre qui qui est dans la mouvance de Le Corbusier, en fait, qui est vraiment, qui reprend, enfin, c'est sans doute pas un hasard si en France les grands panneaux Decaux portent des reproductions de Vazarelli, et si l'emblème des World Trade Center est un tableau de Vazarelli qu'ils ont acheté aussi. Donc, bon, voilà. Et alors, M. Charles de Bâche, qui a créé une fondation, la fondation Vazarelli, auquel le peintre un petit peu vieillissant a eu le malheur de confier ses œuvres, sauf qu'on s'est aperçu, enfin en tout cas les héritiers se sont aperçus qu'en fait de fondation, en fait les œuvres appartenaient à Charles de Bâche. Voilà. Alors il faut savoir que Charles de Bâche est aussi très connu puisqu'il est très enseigné dans les facultés françaises, notamment à travers un manuel de droit qu'il a écrit qui s'appelle Le droit des fondations et qui reste une référence. Et donc il a quand même été condamné après de multiples avatars à 2 ans de prison dont un an ferme. Hein. Bon, je dis nombreux avatars parce que ceux qui connaissent l'affaire, donc qui connaissent un peu les affaires du sud de la France, disons. Nombreuses affaires dans le sud de la France. Hein. savent que ce délinquant notoire, aujourd'hui togolais, ne s'était pas présenté aux premières audiences de son procès et qu'il s'était même retranché dans son bureau de la faculté de droit, protégé par les étudiants en droit, et que la gendarmerie avait dû donner l'assaut pour le conduire au tribunal. Et donc, après, évidemment, en tant que juriste connaissant tous les magistrats de la place, puisque les ayant plus ou moins formés, il avait finalement été condamné à la prison ferme. Mais qu'il n'a jamais fait puisqu'il était au Togo. Il était au Togo et qu'il est toujours très malade en plus. Donc il doit absolument se faire hospitaliser régulièrement au Togo aussi. Il était quand même revenu plusieurs fois en France malgré l'émission d'un mandat d'arrêt international. Mais tout à fait légalement, paraît-il, puisqu'il avait négocié avec le juge d'application des peines la possibilité de venir discuter avec lui d'un éventuel aménagement de la peine. Donc, son argumentation était la suivante. Puisque je suis... au Togo, je ne peux bénéficier de la mesure qui consiste à mettre un bracelet électronique qui m'empêcherait de me déplacer hors d'Aix-en-Provence. Voilà. Et bon, donc ça ne s'est pas fait, l'affaire ne s'est pas faite, parce qu'il voulait être ministre au Togo comme peine de substitution. Donc je dis ça pour les sans-papiers qui nous écoutent et qui vont dans des pays étrangers pour chercher du travail, c'est quand même assez intéressant. Et donc il était reparti au Togo, et là il était venu à Bruxelles pour négocier je ne sais quelle affaire crapuleuse à la Commission européenne avec ses amis togolais. La vente d'un Vazarelli. Ouais, sans doute. Et là, pof, en repartant, il a été arrêté par la police de l'air et des frontières, il a même été incarcéré un petit peu, et maintenant il est en résidence surveillée à Bruxelles. Mais je pense qu'il va devoir retourner au Togo très rapidement. Et que peut-être qu'il fera partie d'un lot d'expulsés togolais, hein, qui sait, entre deux policiers avec un coussin sur la... Voilà. C'est un truc que nous recommandons, en tout cas. Bon, on va enchaîner avec quelque chose que je voulais vous passer depuis longtemps, un petit son, puisque bon, c'est une émission comme ça, un peu, on ouvre les tiroirs et on ressort comme ça des sons. J'avais enregistré cette petite conversation... au retour d'une manifestation devant le centre fermé de Merksplatz. Et c'était avec Abdennour qu'on va écouter maintenant. Malgré tout, on est frères et sœurs de la même race. Il n'y a pas beaucoup de races sur la Terre. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Il y a une autre race qui s'appelle les Satans. On est des êtres humains, il y a une seule race sur la Terre. C'est la race humaine. Il n'y a pas une autre race. Vous voyez, on est tous êtres humains. Moi, je mange quand j'avais faim. Je bois quand j'avais soif. Voilà, je travaille pour gagner l'argent. Et j'ai le droit d'avoir du papier pour avoir mes avantages. Voilà, c'est ça. Parce que les gens s'imaginent que depuis qu'il y a Bouteflika, ça va beaucoup mieux en Algérie, qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on entend en général. Ça, c'est pas vrai. Il y a tous les jours des problèmes chez nous. Il y a tous les jours des problèmes chez nous. Les gens toujours ont peur. Chaque famille a une victime. Moi, j'ai perdu en Algérie, croyez-moi, moi j'ai perdu mon oncle, sa femme et 12 cousins, entre cousins et cousines. 12. 7 filles et 5 garçons. En 95, ont été égorgés par des extrémistes. Parce que mon oncle, c'était un paysan. C'est pas vrai. Et pour moi, la personne qui est raciste, c'est la personne qui n'a jamais sorti de chez lui. C'est ça le vrai sens. C'est ça le vrai sens du mot raciste ou le racisme. C'est la personne qui n'a jamais sorti de chez lui. Voilà. Il faut aller là-bas pour nous juger. Il ne faut pas parler comme ça en l'air. Oh, Algériens, les Algériens sont très difficiles ou les Marocains sont très difficiles ou je ne sais pas. Non, il ne faut pas parler comme ça. Il faut aller là-bas, il faut vivre. Il faut vivre avec comme la majorité de la population algérienne ou marocaine ou tunisienne, je ne sais pas quoi. Il faut vivre. Il faut vivre la vie réelle, ce n'est pas la vie des riches. Vous m'avez compris. Il ne faut pas vivre avec... Non. Merci. Est-ce que je peux vous demander votre nom? C'est comme ça, c'est moi, je m'appelle Abdelnour Birkan. J'ai 37 ans. Merci. Alors, on chante? Je commence. ما زال قلبي ملكي يا مبرمى برم ماني ظلم جيت نسامحك و جيت نصفي اللي بيناتنا يا مرم جيت تعرفي انا لا كنت غابنك ما زال قلبي ملكي يا مبرمى برم مانيش ظلم جيت نسامحك و جيت نصفي اللي بيناتنا يا منى جيت تعرفي انا لا كنت غابنك دارت لك ما تمليتي وقلت غيمتي و سبت قلبك عشاق هو بيا يحسو يا انا بغيتك هذيك يا نيتي نستاهل انا رديتك مرا ونسى دارت لك ما تمنيتي وقلت غينتي و سابت قلبك عشاق هو بيا يحس ويا انا بغيتك هذيك يا نيتي نستاهل انا رديتك مرا ونسى مازال voilà. Abdelnour Berkane qui chantait cette chanson et il m'a dit que c'était une chanson qu'il a chanté aussi devant le centre fermé de Merckxplatz d'où on venait, donc on revenait en bus avec beaucoup de gens, il y avait la crère, c'était la crère qui a prêté le bus. Et cette chanson, il m'a dit, ça marche pour tous les gens qui sont malheureux dans le monde. C'était aussi une façon de rappeler que en Algérie, où effectivement on a tendance à oublier qu'il y a une recrudescence des attentats depuis le début de l'année. C'était il y a un mois, et cette semaine-là, il y avait eu un double attentat à Alger. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, pour essayer de voir un peu ce qu'est la réalité algérienne, je vous conseille de voir un film que j'ai vu peu de temps après, c'est-à-dire assez récemment, qui s'appelle Bled Number One. C'est un film qui date de 2006, qui a été primé à Cannes il y a un an. Et le réalisateur s'appelle Rabat Amer Zaimesh. Et ça se trouve à la médiathèque, au passage 44 notamment. Enfin, vous pouvez essayer de vous procurer ce film qui est très très beau sur la... C'est l'histoire d'un retour, quelqu'un qui a été expulsé de France et qui retourne en Algérie. Voilà, ça c'était Abdelnour. Je crois que j'ai accusé un peu la table de mixage à tort, en fait, c'était pas ça le problème. On va pouvoir écouter des sons que voulait nous faire écouter Tamara. Oui, on y va, hein. Pas de temps, allons-y. En deux mots, peut-être les nouveaux disparus, en fait, on est une troupe de théâtre forain et... On va dire qu'on s'est un petit peu spécialisé en fait dans l'ouverture et l'accessibilité culturelle à tous. C'est-à-dire qu'on se bat en fait pour que tout le monde peut aller au théâtre, que ce chapiteau puisse s'installer en fait dans n'importe quel espace public, que ce soit dans des cités de logement, que ce soit dans des quartiers entre guillemets chauds, que ce soit dans des quartiers comme ici. Pourquoi ce spectacle ? Ce spectacle est arrivé vraiment par hasard. Au tout début, on voulait écrire une version d'un spectacle que j'ai écrit qui était sur la plage, qui racontait en fait la rencontre entre deux personnes, entre deux gars. Et donc à un moment, en fait, les comédiennes de la compagnie ont dit « ce serait peut-être bien d'écrire une version féminine du spectacle ». Puisque là, tu as tourné pendant 2 ans donc avec les gars, ce serait bien qu'il y en ait un petit peu pour nous. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et je suis parti écrire dans le village de mes parents au Maroc. Et là, en fait, à un moment, donc, j'ai appris que ma voisine d'enfance est morte dans une traversée de barque entre le Maroc et l'Espagne. Elle est morte d'une blessure par balle. Et je me suis dit, si... j'ai envie d'écrire une histoire pour femmes, pour les femmes. Je vais parler peut-être de ça et aller un peu me renseigner, de savoir qui sont en fait ces femmes. Est-ce qu'il en existe ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'il n'y en a pas qui font ces traversées entre le nord du Maroc et le sud de l'Espagne ? Donc je vais vous lire l'épilogue. En fait, pour moi, dans l'épilogue, en fait, il y a beaucoup de questions et ce sont en fait toutes des questions qu'on s'est posées tout au fur et à mesure de ce spectacle. Et je me suis dit que c'est assez intéressant pour justement démarrer en fait le débat. Si un jour j'ai décidé de raconter l'histoire de ces femmes, ce n'est surtout pas pour qu'on les plaigne, qu'on les pleure ou qu'on en ait pitié. Elles sont aussi fortes l'une que l'autre et n'ont pas besoin qu'on s'apitoie sur leur sort. À leur manière, elles sont des combattantes, des guerrières, des chevaliers des temps modernes en quête de l'Eldorado, marchant, traversant parfois tout un continent pour se retrouver face à cette forteresse qu'est l'Europe, face à toutes ces mafias qui font d'un rêve un business, où la vie d'une personne n'est parfois que symbolique. Qu'est-ce que 50 personnes qui se noient face à 50 000 autres qui traversent ? Beaucoup de femmes s'exilent de leur pays d'origine en espérant qu'ailleurs c'est mieux. Parce que chez elles, l'émancipation parfois n'est qu'une idée abstraite. Parce qu'une misère, une héréditaire misère, fruit d'un colonialisme que l'on ne peut plus nommer. Parce que parfois les guerres tribales ravagent certaines parties de l'Afrique. Parce que le terme démocratie est un mot disparu des dictionnaires locaux. Parce que le rêve Eldorado est devenu rêve national. Si tu demandes à un gamin qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il te dira « je veux aller en Europe, l'Europe où je meurs ». Des expressions comme celle-là, je pourrais en citer des centaines. Je pourrais continuer à vous décrire la vie de ces femmes pendant des heures, raconter la suite. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes à mes yeux. Toute personne a le droit de quitter un pays, y compris le sien, et d'y revenir. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avant, lorsqu'une personne voyageait, on l'appelait voyageur. Pourquoi le voyageur du Sud est devenu un migrant, un clandestin, un sans-papier ? Un brigand, un voleur, voire un terroriste. Pourquoi nous, occidentaux, quand on voyage, on reste des voyageurs, des touristes ? On se retrouve à une époque où la circulation des gens du Sud est difficile, voire impossible, vers le Nord. Est-ce que nous avons le droit d'empêcher les autres de venir chez nous ? Est-ce que nous avons le droit de ne pas respecter ce droit fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est la libre circulation des êtres humains ? Sachant que les pays membres de la communauté européenne ont signé cette déclaration et qu'elle ne les engage à rien. Mais par contre, ces mêmes pays ont aussi signé la Convention européenne des droits de l'homme, qui, elle, les engage à respecter ce droit fondamental. L'Europe ne cesse de grandir, de se construire, tout en créant une misère à ses portes, en produisant beaucoup plus de violence à ses frontières, beaucoup plus de personnes qui s'entassent face à ces grillages métalliques hauts de 6 mètres, face à ses frontières naturelles, face à ses consulats, ses ambassades. Qu'on arrête de comparer un immigrant à un terroriste, immigrant à criminel. Un immigrant n'est qu'un pauvre type ou une pauvre femme qui un jour a décidé de partir de chez lui pour trouver mieux ailleurs. Je sais, vous allez me dire que si on ouvre nos frontières, toute la misère du monde va venir se terrer dans notre belle Europe. Bonsoir à tous. Ça fait bientôt Deux ans, si j'ai dit deux ans, dont je prends depuis Saint-Boniface jusqu'à l'heure actuelle, que certains parmi sans-papiers, avec moi, continuent à se battre pour obtenir un droit de vie. Après Saint-Boniface, il y a eu 40 églises qui ont été occupées au niveau de Bruxelles. Chaque sans-papier avait l'espoir qu'en allant se réfugier dans l'église, et là, peut-être, il va obtenir son papier. Parce que, notre cas, on a milité à Saint-Boniface, mais parce qu'on ne dormait pas à l'église, qu'on n'a pas eu de papier. Donc, il y a eu 40 occupations dans toute Bruxelles, y compris les environs Wallonie et la région flamande. Et après 6 mois d'occupation, il y a eu, c'est-à-dire le mouvement s'est affaibli. Le mouvement s'est affaibli pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a eu promesse, peut-être, puisque pour la première fois, l'ancien porte-parole à la personne d'Ali Guissé a été reçu par le ministre. Donc, pour nous, c'était quelque chose de bien, que pour la première fois vraiment, le ministre s'intéresse aux problématiques des sans-papiers. Les revendications restent les mêmes. Tout ce que nous demandons aux politiciens, c'est-à-dire une doléance envers les êtres humains qui sont là avec eux, qui vivent avec eux et qui travaillent dans des situations très difficiles et qui sont payés 1 euro l'heure parfois. On refuse même de les payer parce qu'il n'a pas le papier. Il n'a pas là où il peut se plaindre. Donc, nous lançons un SOS qui essaie de comprendre que nous ne sommes pas des bandits, vraiment qu'ils fassent ce qu'on appelle doléance, qu'on nous régularise. C'était Marco de l'UDEP Bruxelles qui s'exprimait donc à l'occasion de ce débat co-organisé par la compagnie Les Nouveaux Disparus et la Ligue des Droits de l'Homme. Marco qui a ouvert le débat, pour ainsi dire, et qui le ponctuera tout au long de ces 2 heures que nous allons écouter, et puis vous promettre d'entendre plus tard dans le courant du mois de juin, occasion des élections, puisque le 10 juin, nous allons tous voter, avec cet espoir que se résolve la situation de nombreuses personnes à Bruxelles. Et ce dimanche, ils étaient tous réunis au rendez-vous de la gare du Midi pour aller à la Bourse, je ne m'abuse pas, et revendiquer une régularisation ponctuelle, voire une inscription dans la loi. Oui, c'est bien parce que bon, on n'a pas pu inviter l'UDEP aujourd'hui parce qu'ils étaient en réunion, mais en fait, en même temps, on entend là la parole d'un de ses représentants, et effectivement, la manif nationale lancée par à l'appel de l'UDEP a eu lieu samedi, non pas dimanche, et le motif de cette manifestation, c'était de réveiller le personnel politique à l'approche des élections dans le but d'une régularisation de tous les sans-papiers. Et on a fait un petit reportage à l'occasion de cette manifestation qu'on va commencer par écouter. Bonjour, c'est pour la radio. Vous voudriez pas dire 2 mots? Merci. Bonjour monsieur, c'est pour la radio. Vous voyez passer la manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation? Ben, ils ont raison de le faire et on était tous des sans-papiers. Hein. Et on comprend les gens qui manifestent pour ça. Hein. Vous savez ce qu'ils réclament exactement? C'est leur reconnaissance. Ils sont venus ici en Belgique. Je ne sais pas, moi, comme moi, j'étais là sans papier aussi. Hein. Ben c'est bien, je trouve que c'est bien de le faire. Hein, pas c'est bien pour moi. Moi, j'ai mes papiers déjà, mais eux, ils manifestent pour ça. Et je trouve que c'est bien de le faire. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, au revoir. Bonjour madame, excusez-moi, je vais vous regarder la manif, je peux vous interroger pour la radio? Merci. Bonjour madame, je peux vous interroger pour la radio? Oui, sûrement, oui. Vous êtes avec la manifestation? Ah oui. Je soutiens particulièrement les Iraniens, moi. Mais je suis pour la régularisation de tous les sans-papiers, ça c'est certain. Vous savez, la Belgique a signé en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, que d'ailleurs la plupart des pays ont signé. Et cette déclaration dit en son article 3 ou 13, je ne sais plus très bien, mais c'est un 3, il dit que chacun a le droit de circuler librement, partout, de quitter son pays, de rentrer dans son pays, sans problème. Alors sincèrement, qu'à cette heure-ci, une bande de fascistes qui veut absolument diriger les Flamands, mais la majorité des Flamands ne sont pas fascistes, veut absolument nous imposer, non seulement à nous, mais enfin, quand on voit le résultat électoral en France, on se dit c'est fou. Je ne sais pas, mais je ne peux plus comprendre le monde qu'il y a autour de nous. J'espère quand même qu'on n'aura pas besoin de la même guerre qu'avant 1948 pour commencer de nouveau à réfléchir. Je partage votre espoir. Vous me donnez votre nom ou un prénom, ça va passer sur Radio Panique. Oui, je m'appelle Christiane Obdebeek. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonjour, monsieur, excusez-moi, vous accepterez de répondre pour la radio? Non? Merci. Bonjour, c'est pour la radio, vous accepteriez de me répondre? Je ne sais pas pourquoi, oui. La manif qui est là. Oui, je ne sais même pas pourquoi. Non, pas du tout. Vous avez aucune idée? Aucune idée. Alors, je vais vous le dire. C'est pour les sans-papiers. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui, ils en ont parlé à la radio. Ah ben oui, mais... Ils en ont parlé à la radio, oui, c'est vrai. Pour les sans-papiers, bah. Vous pensez quoi? Il y a du... Je préfère pas dire ce que je pense. Vous voulez pas le dire? Je préfère pas. Quoi? Parce qu'il est contre. Vous êtes contre quoi? Les sans-papiers? Bah, toutes leurs manifestations, tout ce qu'ils font. Je pense qu'on ne sait pas donner les papiers à tout le monde et ça, ils ne comprennent pas. Et puis quand ils voient ce qu'ils font chez nous, bah, je suis désolée. Il y a du pour et du contre, en fait. Je crois qu'il y a des gens qui le méritent, il y a des gens qui ne le méritent pas. C'est ça que je veux dire. Bon, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses, de savoir où on est, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a du pour et du contre. Comme on dit, il y a à boire et à manger. Donc, moi, je ne suis pas aussi catégorique qu'elle, mais je suis ni pour ni contre. Je suis entre les deux, quoi, parce que, bon, je veux dire que chez nous, en Belgique, je ne vais pas être raciste, attention, ce n'est pas la question. Chez nous, en Belgique, il y a tant de gens qui ont besoin et qu'on ne fait rien pour eux. Et bon, des gens qui viennent de l'étranger, en fait, qui fuient leur pays, qui ont la guerre. OK, je veux bien, hein, mais tous les pays ne sont pas en guerre. Donc ils viennent chez nous pour se réfugier parce que chez nous ils ont beaucoup de moyens qu'ils n'ont pas dans d'autres pays, parce que chez nous ils ont beaucoup de facilités que dans d'autres pays ils n'ont pas. Et ça, je ne trouve pas ça juste. Ça, c'est le... Enfin, c'est mon avis, quoi. C'est ça que je dis, moi je suis ni pour ni contre, mais il faut voir à qui on le donne. Mais en même temps, on était bien contents qu'il y ait des étrangers qui viennent en Belgique pour les mines, par exemple, quand les Belges ne voulaient plus descendre. C'est pour ça que je dis, il y a à boire et à manger là-dedans. Je ne suis pas ni pour ni contre, il faut voir à qui on le donne. Des gens qui travaillent, par exemple. Des gens qui travaillent, honnêtement, oui. Mais il y en a beaucoup qui travaillent en noir. Et c'est rare qu'ils soient attrapés. Et c'est pas juste parce qu'il y a tellement de gens au chômage qui n'ont pas de travail, qui pourraient travailler, notamment des étrangers, hein, attention, hein, donc qui pourraient travailler, qui n'ont pas de travail, par rapport à des gens qui travaillent en noir, qui sont sans papier. Bon, ceux qui travaillent, honnête, ok, hein, pas de souci, parce que bon, moi je trouve qu'il y a des familles qui ont parfois 10 ans qui sont par ici, puis leur renvoie chez eux, ça je trouve ça normal. Je trouve pas ça normal en fait. Là, ces gens sont intégrés chez nous et tout, qu'ils soient de n'importe quel pays, mais ils sont intégrés chez nous. On les laisse une dizaine d'années chez nous, et puis boum, on les remballe. Non, ça, je trouve pas ça normal. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant qui ne devraient pas être chez nous. Ça, c'est le... C'est qui, alors? C'est des gens qui ne travaillent pas et... Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui viennent que leurs familles sont ici, et que, bon... Et qui connaissent un peu les filières de la CPS, chômage, mutuelle. Et ça, je trouve ça injuste, parce que nous, on doit payer tout ça. Donc, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais hospitalisée. Je dois payer énormément à l'hôpital. Alors que ces gens-là ne paient rien du tout. c'est pas normal. Alors comment je ne gagne pas plus ma vie que... Enfin, maintenant je ne travaille plus, ça fait 2 ans, mais enfin, j'ai gagné ma vie honnêtement, mais pas en haut, quand même vraiment à la limite, pour vivre quand même honnêtement, quoi. C'est ça que moi je ne suis pas d'accord, en fait. Mais en fait, c'est un peu la raison d'être aussi de ces systèmes, c'est de la solidarité, donc... Oui, mais c'est bien ce que je dis, solidarité. Il y a des gens qui le méritent, il y a des gens qui ne le méritent pas. Et... Je comprends toujours pas qu'ils le méritent pas, en fait, parce que vous avez dit, quand on voit ce qu'ils font, et je comprends pas trop. Oui, ben, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des bêtises, qui volent, qui agressent. Bon, c'est pas normal. Je dis pas, il y a des Belges qui le font aussi, hein, je retire pas ça de là, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire que beaucoup, au départ, on avait, bon, des... Excusez-moi de vous dire comme ça, des Arabes. Maintenant, on a des Polonais qui font des tas de choses, la drogue et tout. Ça vient beaucoup de chez eux maintenant. Il y en a une partie qui se calme, c'est l'autre qui vient. Mais il y en a beaucoup qui sont sans papier là-dedans. Ils font de la vente en noir, de cigarettes, de tas de choses. C'est pas logique, quoi. Bon, il y en a qui se font prendre, mais ils se font prendre là, ils recommencent là. Donc, tout ça, c'est pas normal. C'est ça que je dis, il y a du pour et du contre. C'est comme ça, quoi. C'est pas... Non, je vous dis, moi, je ne suis pas ni pour ni contre. Il faut voir à qui on le donne. Il faudrait qu'il y ait des critères clairs, quoi, par exemple. Voilà. Voilà. Parce que vous savez qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est... Ils apprennent le français quand ils arrivent ici. Ce serait déjà pas mal. On se fait souvent insulter aussi par des gens comme ça. Mais bon, nous, on ne leur a pas demandé de venir ici. Si on les accepte ici, qu'ils soient gentils avec nous. Qu'ils soient corrects. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Mais quand même, une majeure partie vous prennent, excusez-moi de l'expression, pour de la merde. Quoi. Or, qu'ils ne sont pas dans leur pays. On les accueille. Et voilà, ce qu'ils font, c'est ça aussi le problème. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir livré votre avis. Je peux avoir vos noms ou des prénoms? C'est pour présenter à la fin de l'émission. Non, ça je préfère. D'accord, bon, anonyme, ok. Je vous remercie, mesdames. Bonne journée. Voilà, c'est un reportage que j'ai réalisé durant la manif nationale qui a eu lieu samedi dernier. Vous aurez peut-être remarqué que c'est un reportage où je me suis efforcé de couper très peu de choses, en fait. J'ai gardé exactement la continuité, ce qui fait que c'est un petit peu long et un petit peu difficile, il faut dire, à écouter, en tout cas sur la fin. J'ai essayé de pas trop intervenir pour qu'on ait un peu aussi tous les points de vue, y compris le dernier, qu'on doit écouter, qu'on doit essayer de comprendre aussi, parce que ça fait partie aussi des gens qu'il faudrait essayer de convaincre peut-être. J'ai l'impression qu'ils sont convaincus. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils sont convaincus. Mais non, mais tu rigoles, mais dans le bon sens. Je veux dire, cette dame, elle n'est pas contre la régularisation. Quand on lui parle. Elle n'est ni pour ni contre. Non, mais si, parce que quand on lui parle de la situation concrète des gens qui sont là depuis un certain temps dans le pays et qui n'ont pas de papier, elle dit tout de suite que, bon, il faut les régulariser, quoi, en gros. Mais alors après, l'autre truc, c'est la confusion avec la délinquance, le discours sécuritaire, le vol, enfin, après. Tout ce qui reste n'a rien à voir avec la question des papiers ou des pas-papiers, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'être... Ouais, c'est quand même c'est le stigmate du sans-papier, quoi. Donc ça touche la question des sans-papiers dans le sens où c'est le stigmate que une bonne partie de la population, on ne sait pas combien, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de recensement, du sentiment raciste en Belgique. Ouais. Mais bon, parce que c'est, il faut dire, cette dame, quand même, il est assez facile de transformer... des gens qui travaillent pas honnêtement, c'est-à-dire dans son vocabulaire, donc qui travaillent au noir, il suffit de leur donner des papiers pour qu'ils puissent travailler légalement. Mais ça, elle le sait pas. C'est une des confusions qui est faite, effectivement, c'est que elle estime que les sans-papiers devraient travailler honnêtement, c'est-à-dire pas au noir, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne peut pas travailler honnêtement, disons pas au noir, sans papiers. Et donc elle transforme une situation. Donc on peut appeler une situation de besoin ou de détresse en situation de profit. Et c'est un des ressorts du discours sarkozyste qui est en vogue en ce moment, d'attiser la jalousie des gens en faisant passer des gens qui sont dans des régimes de solidarité, comme les gens qui sont en pension ou les gens qui sont au chômage, pour des assistés, et donc des gens qui profitent du système, alors que d'autres seraient dans des situations pénibles où ils devraient se lever tôt, etc. Oui, parce que ce que cette dame, qu'aucun parti de gauche ne rappelle à cette dame, disons, c'est que le profit, il n'est pas du côté de celui qui travaille au noir, il est du côté de celui qui le fait travailler au noir. Et que celui qui le fait travailler au noir, il a intérêt à pouvoir le faire travailler au noir, donc il intéresse qu'il n'ait pas de papier. Donc voilà où est le profit. Et donc ce profit pourrait être partagé, y compris pour des pensions, y compris pour la sécurité sociale, etc. etc. Donc voilà. Mais là, bon, voilà, si des partis de gauche tenaient un petit peu ce genre de discours, peut-être que il n'y aurait pas qu'un seul discours qui s'insinuerait dans les cerveaux des gens ordinaires, disons. Oui, oui. Mais s'insinuerait, c'est notamment aussi par tout le travail d'amalgame qui est assez porté par les médias télévisuels. Appelons ça la propagande. La propagande, mettons. Et donc c'est un peu aussi de là d'où cette dame n'est ni tout à fait pour ni tout à fait contre, faute de réelles informations, de critiques et de discussions avec... avec tout un chacun qui a un peu un œil sur la question. Il n'y a pas de militants qui vont voir ces gens pour leur parler, parce que ce ne serait pas difficile de leur faire comprendre la question telle que je viens de l'expliquer. Il suffit de leur parler. Mmh. Parce que dire aussi « Ah, ils sont racistes !» et tout, comme si c'était une espèce d'essence, une espèce de racisme complètement inversé. Racisme contre parce les racistes. Ouais, on peut pas, vous comprenez, les Arabes, on ne peut pas, etc. Et les racistes, on ne peut pas non plus. Donc, c'est pareil. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve, c'est par rapport aux médias, tu disais Tamara, je trouve que c'est curieux cette espèce de réflexe de penser qu'il faut absolument se positionner pour ou contre les sans-papiers. Alors que la question ne se pose pas du tout en ces termes. Il y a une espèce de manichéisme comme ça, quoi, qui semble inspirer des débats télévisés, avec une espèce de peur des extrêmes, qui sont comme ça les choses. Je suis ni pour ni contre, ça veut dire je ne me positionne pas, en fait. Et c'est en fait un aveu aussi d'impuissance face à des problèmes qu'on ne comprend pas bien, parce qu'ils ne sont pas expliqués, quoi, simplement. Et de se référer effectivement à des réalités qui sont complètement médiatisées, c'est-à-dire la délinquance. Enfin, je suis à peu près sûr que la moitié des choses que relate cette dame, elle ne les a pas vues. Je veux dire, elle a pas vu dans sa rue des gens en train de vendre du tabac au noir. Elle en a entendu parler. Et elle généralise ça. Et c'est ça qui est un peu curieux, quoi. Voilà, bon, c'était un peu pour relater cette manif par le petit bout de la lorgnette, on va dire. Petite remarque, en matière de tabac, ceux qui le vendent légalement sont des dealers. Hein. Ouais. C'est vrai. Avec une bonne taxe de l'État, quand même. Rappelons que l'État, alors à ce moment-là. Empoisonneur et dealer, oui. Oui, c'est ça. Donc vous êtes pour ou contre? Vous voulez ouvrir un débat sur le tabagisme? Je conclurai en disant tout de même qu'il y avait 2100 personnes, selon la police, à cette manifestation. Je ne peux pas présenter la première personne, j'ai oublié de lui demander son nom, mais c'était intéressant. Il y avait aussi la deuxième intervention, c'était Christine Obdenbeek, j'y arrive, qui citait l'article 13, et donc le dernier témoignage était anonyme. Et je trouvais intéressant d'ailleurs de passer ce reportage le même jour que l'intervention qu'on a entendue d'Abdenour, qui définit le racisme comme cette façon de ne pas voyager. Et ne pas voyager, on peut même prendre ça, ne pas voyager dans sa tête, ne jamais se mettre à la place des autres. Et voilà, c'est un peu le terreau qui fait que, eh bien, on est un peu dans le sarkozisme là en ce moment. Bon, on va peut-être clôturer rapidement notre émission, on a encore 10 minutes devant nous. Et peut-être justement sur cette question de se rencontrer, de parler ensemble et d'aller un peu au-delà des préjugés. Évidemment, sur la question des sans-papiers, aller à la rencontre des personnes, c'est aussi aller à la rencontre des femmes qui, depuis une vingtaine d'années, on se rend compte qu'elles font partie de ces circuits migratoires. Par leur plein gré ou dans des situations contraintes et ou forcées. Et donc la question du genre dans la problématique des sans-papiers a été soulevée par des mouvements qui promotionnent la condition de la femme, je pense à Vie Féminine ou à aux femmes prévoyantes socialistes. Mais c'est la question de la femme que la question du genre. Hein. Pour les femmes prévoyantes socialistes ? Non, mais c'est la question de la femme, là, en l'occurrence. Oui, c'est vrai, effectivement, plus que le genre, tout à fait. puisqu'on pourra revenir beaucoup sur cette discussion. Mais là, c'est en fait le collectif Femmes en Noir qui n'est pas une institution liée au pilier de la Belgique. C'est une association de fait conduite par des femmes qui se sont inspirées d'autres mouvements sociaux. Et là, on écoute Catherine Moranville qui nous explique un peu le pourquoi et l'historique du collectif Femmes en Noir contre les expulsions et les centres fermés et qui nous relate justement... Le fait qu'aujourd'hui la migration est féminine aussi et que ça a des conséquences sur l'accueil pour les pays qui, soit au centre des réfugiés et apatrides, soit à l'office des étrangers, sont confrontés à des femmes seules, chefs de famille ou en tout cas en demande de régularisation, d'obtention de titre de séjour. Et voilà, ça pose quand même quelques questions. Catherine Moranville, membre du collectif des femmes en noir contre les centres fermés et les expulsions. Et donc, on est née suite à la mort de Semira Adamou en 98, où on s'était mobilisé en fait simplement comme militant dans d'autres collectifs avec tout le monde, mais où on s'était rendu compte, parce que plusieurs d'entre nous sont féministes, que dans la problématique, en tout cas, qui avait été soulevée lors de la mort de Semira Adamou, il y avait une dimension, en tout cas, dont on n'avait pas tenu compte, c'est qu'elle avait été venue demander l'asile ici, notamment à cause d'un mariage forcé, que donc c'était une cause de demande d'asile qui était propre aux femmes. Et donc, il n'y a personne dans les revendications qui avaient été soulevées suite à sa mort, qui avait soulevé cette question-là. On s'est dit, tiens, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui travaille plus spécifiquement là-dessus. Et donc, au départ, moi, j'étais pas là, mais le groupe s'est rassemblé autour de ça, à 4-5 femmes, et puis ça a pris un peu plus de dimension. Et pourquoi collectif des femmes en noir? Parce qu'il y a un mouvement des femmes en noir, ça existe un peu partout dans le monde, qui sont des femmes féministes et pacifistes, qui luttent contre, en tout cas qui lobbyisent auprès de leur gouvernement pour améliorer le sort des femmes. Et notamment, il y a eu des femmes en ex-Yougoslavie qui ont milité pour abriter les pacifistes des deux côtés, dans les deux camps opposés. Il y a des femmes en noir qui existent aussi du côté palestinien israélien. Ça existe en Argentine, ça existe un peu partout. Ça s'est fait un peu sur le modèle des Folles de la Place de Mai en Argentine, et donc il y a régulièrement des manifestations et des vigies de femmes en noir un peu partout en Europe qui militent pour le pacifisme dans leur pays. Et nous, on s'est plus spécifiquement accroché à la question donc des femmes demandeuses d'asile en Belgique. En fait, la revendication principale qu'on a, en tout cas en ce qui concerne la demande d'asile, c'est que on intègre les spécificités. Donc quelqu'un qui vient en Belgique en disant « j'ai été violée parce que je suis une femme, parce que le pays est en guerre et vise principalement les femmes, pour des questions de lapidation, pour des questions d'excision, de mariage forcé ». Tout ce qui est vraiment spécifique aux femmes, ou simplement parce que j'ai fait la cuisine pour les rebelles, ça, ce qui peut arriver, et donc j'ai été pointée comme... Et je viens demander l'asile pour ça. Ça dépend un peu comment l'Office des étrangers interprète la Convention de Genève, mais c'est pas si évident que ça, qu'automatiquement, pour ces raisons-là, les femmes sans papier puissent obtenir l'asile. Et donc nous, on milite pour vraiment qu'il y ait une vraie reconnaissance de ça. Alors ça passe, il y a eu des propositions de loi de faire un bureau du genre au sein de l'Office des étrangers. On sait qu'il commence à y avoir une conscientisation, que parfois il est possible de demander que ce soit une femme fonctionnaire qui fasse les auditions, que ce soit un interprète femme, parce que quelqu'un qui doit raconter qu'il a été violé, ça se fait pas comme ça devant n'importe qui. Il y a des conditions. Petit à petit, ça change. Ils sont un peu plus sensibles, me semble-t-il, là, sur ces questions-là au CGRA, donc au Commissariat Général Réfugiés aux Apatrides, qu'à l'Office des étrangers. Donc on sent qu'il y a une sensibilisation, en tout cas. Il y a des gens qui ont été engagés pour les questions de genre, en tout cas au CGRA. Donc on peut pas dire que c'est tout à fait bloqué, mais il y a en tout cas, c'est clair, pas suffisamment de prise en compte de la dimension du genre dans l'asile. Ça c'est une chose. Donc c'est pour la demande d'asile. Maintenant, il y a tout ce qui concerne les femmes sans papiers en Belgique qui sont vulnérables comme tous les sans-papiers sur le marché du travail et exploitation, etc. Il y a les problèmes de médicaux, mais parfois qui sont beaucoup plus prégnants pour les femmes quand il s'agit notamment de femmes qui se retrouvent isolées ici, enceintes, et qui ne savent pas très bien où, chez qui s'adresser. Donc nous, on fait tout un travail avec elles d'accompagnement que certains services sociaux font, mais c'est parfois plus facile quand elles aboutissent dans un collectif de femmes où elles se sentent plus à l'aise, où n'ont pas nécessairement affaire à un assistant social et où elles se sentent plus à l'aise pour parler et pour se confier. Et donc il y a toute cette prise en compte ici pour de la situation des femmes sans papier par rapport et au marché du travail, aux conditions donc de santé, au logement, à la nourriture, enfin tout ce qui concerne les sans-papiers. Voilà, donc ça c'est en gros les questions qui nous préoccupent pour le moment. En plus toute la question des centres fermés où il y a aussi la question de l'intimité et de choses aussi qui sont spécifiques aux femmes dans les centres fermés. Mais en gros la problématique Et là même, on milite aussi pour la fermeture des centres fermés, l'arrêt des expulsions, comme d'autres collectifs, mais en attirant toujours l'attention sur le fait que, par exemple, lors d'expulsions, quand les femmes sont envoyées, font les trajets pour Zaventem, il y a des insultes sexistes, il y a des déshabillages devant tout le monde, on enlève les enfants en leur faisant croire que pour les forcer à monter dans l'avion, en disant mais le bébé part avec un autre avion mais sera là-bas, donc vous devez nous suivre. Donc il y a vraiment un harcèlement aussi moral. Et là, ce sont toutes des choses qui sont aussi propre aux femmes, sur lesquelles on insiste et contre lesquelles on essaie de faire bouger un peu les gens. La semaine prochaine, on rencontrera deux femmes immigrées et elles nous raconteront peut-être plus en détail leur situation, leurs conditions qui étaient un peu introduites, amorcées par cette rencontre avec Catherine Moranville. Pour conclure, dans le prolongement de l'appel aux sans-voix dont il y a eu la réunion samedi dernier, on essaie de prolonger ce processus. Et ce sera au Parc du Peuple, enseignement Parc Royal, puisqu'il a été débaptisé lors de cet appel aux sans-voix. On vous invite à se retrouver pour des discussions ouvertes sur tous les problèmes au kiosque du Parc du Peuple, ex-Parc Royal, à 18h samedi prochain. Ce sera facile à connaître, on sera tous déguisés en Kenyarkana. Et puis tu auras remis ton slash. Hein ? Remets ton slash. Salut. N'oubliez pas, rediffusion vendredi matin 9h-10h et sur Radio Campus 107.2, 14h30, 15h30. Papier pour tous.